Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée de Solandi le 27 juillet 2020. D'abord les grands titres. Jusqu'à l'heure où nous sommes, on attend toujours l'élection des nouvelles administrateurs communaux et Mukasa après l'égalisation des voix lors du vote de ce vendredi. Des sanctions sévères sont prévues contre les voleurs qui seront identifiés dans le secteur sanitaire comme l'a déclaré le ministre de la Santé publique lors d'une réunion de Solandi avec les hauts cadres de son ministère. Et des conducteurs des motos au centre-ville de Kirundo déplorent l'accès difficile aux services de contrôle technique. Abraham Safal va nous relater les faits dans ce journal. Et la chronique sport de Solandi nous parle de l'organisation du sport de lutte au Burundi. Voilà pour les titres. Alphonse Kubwimana sur la mise en onde de Vestine Vautier aussi à la présentation de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Des conducteurs des motos du centre-ville Kirundo signalent qu'ils éprouvent des difficultés pour avoir des contrôles techniques. Ils expliquent qu'ils sont obligés de se rendre à Bujumbura pour bénéficier de ce service, alors qu'auparavant, le même service était offert en Ngozi. Par conséquent, ils déplorent des dépenses énormes d'hébergement et de restauration irrelatives. Le directeur administratif et financier à l'Office de transport en commun fait savoir que ce problème a été dû au manque d'équipements qui sont en commande, mais traîné suite à la pandémie de COVID-19. Il y signale toutefois que d'ici 2021, ils peuvent réouvrir les agences Facilita, le dit service Ngozi et Gitega Abraham Safar, correspondance. Certains motards de Kirundo nous ont fait savoir qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés pour avoir les contrôles techniques de leur moto. Auparavant, ce document était perçu en Ngozi, mais actuellement, les motards doivent partir pour Bujumbura à l'Otrako pour en avoir. Cela fait que certains préfèrent travailler sans contrôle technique, car pour en avoir, ils leur demandent au moins 3 jours étant sur la chaîne d'attente. À cela s'ajoutent les frais de carburant, car ça demande que la moto soit présente, les frais d'hébergement et de restauration. Comme ils continuent à s'exprimer, certains ne dépassent plus le centre urbain de Kirundo afin d'éviter qu'ils soient appréhendés par la police qui se positionne couramment à la sortie du centre. Ou encore, ils se retrouvent en train de courir avec les policiers qui, des fois, peuvent arriver au milieu du centre urbain de Kirundo. Ils demandent à cet effet que ce document se perçoive en Ngozi comme avant pour diminuer les dépenses. Contacté à propos à l'Otrako à Bujumbura, Monfort Ndagijimana, le directeur administratif et financier, nous a fait savoir qu'ils sont au courant de cette situation, mais qu'ils ont eu un problème d'équipement conforme au nouveau système de contrôle des documents. Il continue en tranquillisant ses motards que d'ici 2021, ils peuvent réouvrir les agences Ngozi et Gitega si jamais la situation causée par le coronavirus se renormalise. Sinon, ils avaient d'abord commencé par la capitale pour enfin aller à l'intérieur. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safar. Les vendeurs et les consommateurs des œufs indiquent que le prix sur les œufs a monté depuis la fermeture des frontières suite au coronavirus en province Cibitoke. Pour le moment, les grossistes de ces œufs affirment qu'ils se ravitaillent à partir de Bujumbura et pensent que c'est pour cela que ces œufs se vendent cher. Et le responsable de la santé animale précise bien que les éleveurs des poules ne donnent pas une alimentation suffisante à ces animaux, d'où une production insuffisante. Alexine Dairagic. Un œuf qui s'achetait à 300 francs s'achète entre 400 et 500 francs en province de Cibitoke depuis que les frontières sont fermées suite au coronavirus. Certains consommateurs d'œufs indiquent qu'ils n'en consomment plus. Un des grossistes des œufs au chevreux de la province de Cibitoke contacté indique qu'ils se procuraient 18 000 œufs par jour à partir des pays frontaliers avec le Burundi, mais que pour le moment, il affirme que lorsqu'il fait une commande de 4 500 œufs, il ne parvient qu'à avoir 1 500 seulement. C'est à partir de Bujumbura de rarité des œufs en province de Cibitoke. Même si les grossistes et les consommateurs de ces œufs affirment que cette situation de rarité d'œufs est due à la fermeture des frontières suite au coronavirus, au sein du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, le responsable de la santé animale indique que les éleveurs de poules ne donnent pas une alimentation suffisante aux poules, ce qui fait que ces poules pondent une quantité insuffisante d'œufs. Certains éleveurs de poules contactés au chef de la province de Cibitoke nous ont indiqué que certaines poules ont été atteintes par les maladies, d'où la production insuffisante d'œufs. Depuis Cibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndaïra Guigé. Troisième tour des élections des organes et dirigeants de la commune urbaine d'Omokaza ce lundi. Lors des deux premiers tours de ces élections ce vendredi, les partis CNDD, FDD et CNL ont égalisé les voix. Et le troisième tour de ces élections est organisé dans le but de départager les candidats de ces deux partis au Banyongo. Ce troisième tour des élections des organes qui vont diriger la commune urbaine de Mukaza a été organisé dans le but de départager les candidats des partis CNL et ceux du CNDD-FDD qui ont eu le même nombre de votes lors des deux premiers tours qui ont eu lieu ce vendredi. Les candidats de ces partis avaient eu 16 votes chacun. La candidate pour le poste du président du conseil communal de Mukaza, c'est Annick Nsabimana du CNDD-FDD. Pour le poste de vice-président du conseil communal de Mukaza, c'est Jean Bosco Bizindavi de l'Uprona et Renova Sindai Hebura. Pour le poste d'administrateur de la commune de Mukaza, qui est aussi membre du parti CNDD-FDD. Jusqu'à 12h de ce lundi, les électeurs du parti CNL ne s'étaient pas encore présentés pour le vote. Il est prévu que ces élections prennent fin à 16h. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h02 au studio de la radio Isanganilo. Le journal continue. Établir des cahiers de charges pour chaque employé du ministère de la Santé publique, une bonne gestion des recettes des hôpitaux et autres structures de santé font partie des actions prioritaires à mener pour ce ministère dans les 3 mois à venir. C'est ce qui ressort d'une réunion du ministère de la Santé publique avec les hauts cadres du ministère lors de la restitution des conclusions issues de la récente retraite gouvernementale. Tadendi Kouman ajoute que les malversations ne seront plus tolérées dans son secteur et que les voleurs seront sanctionnés sévèrement, conformément à la loi. La consommation excessive d'alcool présente des conséquences néfastes sur l'organisme humain, car ce dernier ne peut plus se défendre convenablement. C'est l'explication du docteur Léonard Abibagoumier, alcoologue de formation, qui ajoute également que c'est même difficile de se prévenir contre le coronavirus, car une personne se familiarise avec la consommation excessive d'alcool, émet Richard Nyongo. Le traitement d'un alcoolique qui présente déjà des symptômes de COVID-19 n'est pas chose facile car ce traitement doit se faire séparément parce que deux maladies différentes, comme l'explique Dr Léonard Bivaragoumier, alcoologue de formation. La consommation excessive d'alcool reste un problème de santé publique aussi bien dans le monde qu'au Burundi. La maladie à COVID-19, c'est une pandémie qui, nous l'espérons, va être, si pas ponctuelle, va être transitoire. Concernant la propagation de cette maladie à COVID-19, pour un consommateur d'alcool, le docteur Bivaragoumier trouvait que, même si ces deux sujets présentent un lien commun, la consommation d'alcool a toujours tendance d'entraîner des dommages corporels, comme la baisse de l'immunité chez le consommateur. Il est prouvé que la consommation excessive d'alcool peut induire des dommages corporels, en particulier entraîner la baisse de l'immunité des consommateurs. Il a été prouvé que les patients ayant d'autres comorbidités ou d'autres maladies ou une baisse de l'immunité qui sont infectés par la maladie à coronavirus sont plus susceptibles à développer des formes graves. Donc c'est pour cette raison que les deux sujets ont été traités concomitamment. Donc il faudrait, autant que faire se peut, dans un contexte de pandémie, éviter de consommer toute substance ou d'adopter toute conduite qui pourrait nous rendre plus vulnérables. La consommation d'alcool est d'une part une attitude qui peut conduire à la dépendance alcoolique, c'est-à-dire que l'individu qui consomme l'alcool tout d'abord de façon normale peut aboutir à terme, arriver à une dépendance, à une alcoolodépendance, c'est-à-dire que la personne aura perdu la liberté de s'abstenir de boire. Ça, c'est la conséquence, c'est la qui est commune à la consommation d'alcool et à la consommation d'autres substances psychoactives, y compris les drogues illicites et la cigarette. Et d'autre part, la consommation d'alcool peut entraîner des dommages corporels, c'est-à-dire des maladies diverses sur pratiquement tous les organes. Au sein de l'association des guides du Burundi, AGB en sigle, dans son projet anti-alcool, l'on indique qu'après plus de 10 ans de sensibilisation sur les méfaits d'alcool, surtout chez les jeunes, il y a une nette amélioration par rapport aux années antérieures, témoigne Ida Claire Mouhoza, coordinatrice de ce projet. Le changement de comportement n'est pas une chose d'une journée ou de deux ans. Mais après 10 ans, ça c'est la 10e année d'action contre les méfaits liés à la consommation d'alcool. Nous enregistrons pas mal de témoignages de jeunes, surtout les élèves qui ont changé de comportement et qui se disent avoir amélioré leur rendement scolaire. C'est après que cette association ait organisé le week-end dernier un atelier média sur les méfaits d'alcool pour l'organisme humain en cette période où le monde fait face à la pandémie de coronavirus. Aimé Richard Nyonguru, certains marchés réhabilités à mairie de Bujumbura ne fonctionnent pas bien, ce qui a causé une réduction des recettes. Les responsables de ces marchés disent qu'ils enregistrent une perte énorme. Au marché de Kanyosh, le commissaire de ce marché explique qu'il collectait avant sa réhabilitation à peu près 5 millions par mois, mais aujourd'hui il n'arrive pas même à avoir 2 millions. Même chose au marché Jabé, où la grande partie des stands sont inoccupés, ce qui cause une diminution des recettes selon le commissaire du dit marché, Mayonga Jean-Marie. Certains marchés réhabilités visités ce lundi ne fonctionnent pas bien. Au marché de Kanyosha, les commerçants qui avaient des places à l'intérieur de ce marché, aujourd'hui ils sont à l'extérieur, disent qu'ils travaillent à perte car ils n'ont pas assez de clients et se demandent pourquoi les constructions de ce marché ne s'achèvent pas alors qu'ils avaient déjà payé la somme exigée pour sa réhabilitation. Ces commerçants demandent aux responsables de la mairie de tout faire pour que ce marché soit fonctionnel comme d'autres marchés réhabilités en mairie de Bujumbura. C'est une perte énorme, puisque lorsque nous sommes revenus ici, nous continuons à avoir une perte inimaginable. Et nous demandons à la mairie d'interpeller la société qui avait promis de construire et de réhabiliter ce marché, de travailler sérieusement et de nous introduire dans des kiosques comme convenu. Le commissaire du marché Kanyosha Ndaisenga, David, dit qu'il perd beaucoup. Il précise qu'avant sa réhabilitation, ce marché faisait entrer plus de 5 millions de recettes, mais aujourd'hui, il n'arrive pas même à collecter même 1 million de francs burundais suite aux commerçants qui occupaient des différentes places au sein de ce marché qui sont dispersés. Au marché de Jabé, plusieurs places et stands sont fermés. Le mouvement à l'intérieur du dit marché n'est pas satisfaisant, selon Abadi Abolimana, le commissaire du marché de Jabé, qui précise qu'auparavant, ce marché faisait entrer plus de 15 millions de recettes, mais aujourd'hui, il n'arrive pas même à collecter 5 millions. Que ce soit pour le marché de Kanyosha ou de Jabé, les commissaires de ces marchés demandent aux autorités de la mairie de prendre en main la question de ces marchés. Radio Isanganiro, chronique sport. La Fédération burundaise de sport de lutte organise chaque année une compétition au niveau national qui regroupe les clubs en provenance de 10 provinces du Burundi. Cela est dit par le président de la Fédération burundaise de sport de lutte. Elini Bizi fait savoir que les clubs classés premiers dans cette compétition représentent le Burundi dans les compétitions internationales. Les détails dans cette chronique sport avec Evariste Ndikubanyang. La Fédération burundaise de sport de lutte organise chaque année le championnat national où les clubs classés premiers représentent le Burundi dans les compétitions internationales. C'est l'explication d'Eli Nibizi, président de la Fédération burundaise de sport de lutte. On organise les compétitions chaque année pour chercher ou qualifier les meilleurs qui vont présenter le Burundi dans les compétitions internationales. Mais parfois, on organise aussi des compétitions au niveau des régions. Dernièrement, on a fait une compétition, c'était dans le sens de détecter les talents. On a fait une compétition au niveau de la région centre, à Bujumbura, la région ouest et le sud, Bururi, Matana et Rumonge. Ce président de la Fédération de sport de lutte au Burundi précise que ce championnat national regroupe les clubs en provenance des 10 provinces du pays. La fédération est créée par les clubs, mais parce que c'était un sport qu'on avait l'objectif de développer, on a eu, je dirais, une dérogation par le ministère en charge des sports de créer la fédération et de mandater la fédération pour développer ce sport au Burundi. En 2012, on avait seulement des lutteurs ici à Bujumbura, à Ruigi et à Bururi. Mais actuellement, on a un club, 3 clubs à Bubanza, on a un club à Muramvya. Ici à Bujumbura, on a 3 clubs. À Bururi, on a 2 ou 3 clubs. À Gitega, on a 2 clubs. À Ruigi, on a 2 clubs. À Karusi, on a aussi club. On a aussi club à Rumonge. Le manque des équipements appropriés au sport de lutte et les techniciens qualifiés sont certains défis auxquels font face les sportifs de lutte burundais, comme l'indique l'Inibizi. Les défis sont multiples. Le sport de lutte se pratique sur un tapis. Mais malheureusement, on a un seul tapis. Là où on n'a pas de tapis, parfois, on utilise les tapis des tatamis de karaté ou de judo qui ne sont pas réellement pour la lutte. En plus de ça, on a les difficultés des maillots, parce que la lutte, il y a les maillots spécifiques pour la lutte, même les chaussures spécifiques pour la lutte. Et puis, nous avons aussi les difficultés au niveau technique. Nous n'avons pas des entraîneurs bien outillés ou bien qualifiés. Mais là où on a plus de difficultés, c'est au niveau d'arbitrage. On n'a pas d'arbitre formé, on n'a pas encore eu l'occasion de voir une formation des arbitres. Malgré cela, le président de la Fédération burundaise de lutte explique que les lutteurs burundais ont décroché beaucoup de médailles dans les compétitions internationales depuis 2012. Merci. Évariste Nzikobanyang a proposé un petit déjeuner au service. C'est une activité inhabituelle exercée au centre-ville de Bujumbura. Des filles lauréates de l'école secondaire offrent ce service dans le milieu professionnel. Elles estiment que ce travail leur permet de satisfaire leurs besoins. Satisfaction également partagée chez les clients. Charles Makoto. Ces filles font la livraison du petit déjeuner aux environs de 8h30. Plateau à la main. Sur lesquels se trouvent des tasses de thé, des verres de lait, accompagnés des beignets, du pain, le tout couvert d'une serviette en tissu très propre. Evrine Kamundu est l'une de ces 7 filles. Comme point commun, elles ont toutes finalisé l'école secondaire dans des sections différentes. Elle explique que des préparatifs s'imposent avant ces livraisons. Pour servir nos clients à temps, l'une de nous se réveille à 5 heures du matin et allume le feu et l'autre va s'approvisionner en pain et à 7 heures, tout est prêt. On va servir nos clients. Ce travail m'aide beaucoup car je m'achète des produits de beauté ou autre chose. Tout en lavant les tasses, Jocelyne Nimbona, qui a fait la section scientifique, indique que ce travail est leur gagne-pain. Karine Nyungeko témoigne qu'elle restait à la maison pour dépendre des parents qui ont tout fait pour sa scolarité ne lui serait pas utile. Les potentiels clients, dont le gérant d'une des pharmacies se trouva à l'avenue de l'amitié, s'estiment satisfaits du fait que, grâce à elle, ils gagnent du temps. C'est une initiative heureuse, d'autant plus que nous restons au travail au lieu d'aller au restaurant. Nous servons facilement nos clients. Les clients ne peuvent pas se lamenter disant qu'ils sont sortis prendre le thé. Donc nous sommes permanents ici. Ensuite, un autre bien de ces choses, c'est que nous soutenons financièrement. Nous sommes les principaux clients de ce groupe de filles. Nous les encourageons beaucoup parce qu'ils ont pu se débrouiller dans leur vie. Toutefois, ces filles âgées de 23 à 25 ans gardent le rêve de poursuivre les études universitaires. Elles font un clin d'œil aux jeunes des œuvrés de se débrouiller avec des petits métiers. Merci Charles Makoto. La production des poissons a sensiblement diminué sur la plage de pêche olympique Nyabugete en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. Des pêcheurs exerçant son métier expliquent que cette chute de production serait due à la montée des eaux du lac Tanganyika mêlée à des différents déchets et par conséquent, les poissons se déplacent vers un autre endroit très éloigné des eaux sales, suivi de Gracia Sebaranikwa, présidente de la plage de pêche olympique Nyabugete. La montée des eaux nous a causé une grande perte parce que normalement le mois de juillet est un mois très productif, surtout pour l'Indagara. Mais à cause de cette montée, ça n'a pas été le cas. On n'a pas même une certitude que la production augmentera au mois d'août ou de septembre, car l'eau n'est pas totalement reculée. Cette montée s'est progressivement accrue de plus de 40 mètres. Les bateaux accostaient jusque-là. Voilà, on a été obligé de relocaliser ce petit marché, de même que les gîtes pour les pêcheurs et les restaurants. Franchement, si on a raté la production du Ndagara au mois de juillet, c'est un coup dur pour les pêcheurs et leurs patrons. Si l'on monte en grande quantité, les déchets montent avec ces eaux, alors que les poissons ne supportent pas les déchets. Les poissons se cachent loin dans les eaux beaucoup plus en profondeur. Voilà pourquoi la production, surtout dans Ndagara, a sensiblement diminué. C'est une perte pour les patrons de ces pêcheurs, car les pêcheurs doivent manger régulièrement. En moyenne, 20 000 par jour pour les rationner. Les moteurs du bateau consomment du carburant. On peut dépenser jusqu'à 250 000 de carburant par jour de pêche. Si les pêcheurs retournent sans aucune caisse de poisson, c'est une perte. Heureusement, on commence à trouver un peu de poisson comme l'Ndagara, mais pas comme avant. ariko ntambuganyije turaronka nkuko twaruzironka. Comparution pour la deuxième fois de 16 prévenus accusés de racketter des Burundais de retour en Tanzanie devant la cour d'appel de Makamba. Après appel des prévenus, le siège a demandé au ministère public si l'instruction suivra toujours la procédure de flagrance ou la procédure pénale ordinaire. C'est ainsi que la cour a mis la cause en délibéré pour se prononcer sur laquelle des deux procédures à suivre dans l'instruction de cette cause. L'arrêt sera rendu ce mardi le 28 juillet de cette année. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadogo pour sa collaboration technique et Vestine Boutouille, j'étais à sa présentation. Au revoir, bon après-midi.